Ok, ben je vous propose qu'on reprenne sur la partie atelier maintenant, donc on va tous travailler. Alors Cécile m'a demandé de vous faire un atelier sur la plateforme Millefeuille et de jouer avec les index. Alors pour cela, donc vous n'avez pas commencé d'âge, mais je vous ai mis quand même un petit exercice pour ceux qui veulent. Quand même, j'ai pensé tôt à l'encodage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wordle, moi j'amuse beaucoup avec Wordle. Donc, voilà ce que. Wordle, c'est sur wordle.net. Moi je fais tous mes papiers, toutes mes interventions, je copie mon texte et il me sort automatiquement donc, cette visualisation de mon texte. C'est tout bête, mais j'aime bien. Voilà, je vous signale, c'est border.net. Donc, je vais passer, je crois, 10 minutes à vous expliquer ce qu'est cette plateforme collaborative. Et avant de. Je vous ferai une petite démonstration, bien sûr, hein, pour vous aider. Je ferai une petite conclusion, une petite synthèse après cette démonstration. Et donc, dans un quart d'heure, je vous lâche comme ça, non pas dans la nature, mais sur l'ordinateur. Alors, Millefeuille, c'est le nom de cette plateforme. Je vais vous expliquer l'historique de Millefeuille, donc, qui vient du projet Millefeuille. Et puis ensuite, je vous montrerai donc, cette plateforme. Et avant de vous faire une démonstration, je vous dirai deux mots des entités nommées, mais vraiment deux mots. Alors, je vais vous présenter très très brièvement la plateforme dans la partie atelier. On va passer plutôt après aux indexations. Et l'exercice qui n'est pas encodé, parce que j'ai encodé les exercices pour vous, donc le travail est fait, comme ça vous n'avez que la partie agréable, mais pour ceux qui voudront vraiment tester, essayer, il y a un exercice que vous pouvez encoder, mais c'est vraiment du volontariat, avec des, alors je vous ai mis hein, des éléments comme first name, place name, je vous ai mis deux fois place name, donc c'est pas beau, c'est géogname. Mais bon, c'est pour ceux qui veulent. Hein. Alors, ce projet Millefeuille, quel est-il? En 2006 à peu près, ce projet cafouillait un peu. Alors, je vais oser le dire pourquoi. C'est un projet au départ, entre les archives nationales, la section du 19e siècle avec Denise Ogilvie et Nicole Brondel, l'École nationale des chats avec, j'ai oublié son nom, il est à la retraite maintenant, l'IDHE de l'Université Paris 1 avec Dominique Margueraz et l'INRIA avec Jean-Naïf Fekete, toujours le même. Et le projet portait sur l'encodage d'almanachs royaux nationaux et impériaux entre 1750 et 1850. Or, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'ils ont voulu commencer par Word, on en parlait tout à l'heure, donc faire tout à la façon Word. Bien sûr, quand Jean-Daniel a récupéré les fichiers Word, il les a mis à la poubelle, il ne pouvait rien en faire. Il y avait de la visualisation à l'époque. C'était pour un prototype, mais quand même. Donc, il leur a dit, non, faites de l'encodage. Et là, ils ont voulu, alors bien sûr, ils avaient proposé TEI hein, dès le départ. Donc là, j'ai fait une courte présentation de TEI. Je leur ai donner plein de bons conseils que, bien sûr, ils n'ont pas suivis. Parce que TEI, c'est depuis 20 ans et que les gens pensent qu'on sait mieux faire et donc on va faire son propre TEI. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et bien sûr, ils se sont vautrés, lamentablement. Je leur dis d'autant plus volontiers que je les aime beaucoup. Hein. Bref, et là, catastrophe, on était à l'automne 2006, il fallait qu'ils rentrent, je crois, des comptes pour le projet un an plus tard, et ils se sont dit bon, on va peut-être les écouter, peut-être qu'ils savent mieux. Alors, et là, ils appellent Jean-Daniel en disant bah là, on va te donner les fichiers comme ça, et puis tu vas les encoder, quoi. Alors, Jean-Daniel, bien sûr, a refusé en disant c'est pas mon travail, moi je suis plein d'informatique, je fais de la visualisation, donc il faut le faire. Ils étaient incapables de le faire, c'est là où je suis intervenue comme pompier, voilà, en catastrophe. Et j'ai préparé ce prototype en un peu moins de 6 mois. Le problème était que moi, après, je commençais à Tours, je finissais ma thèse, j'étais prise, Et je ne pouvais pas non plus leur livrer un prototype tel quel, sans outils, parce que moi j'utilisais mes outils, IMAX, et des logiciels de Jean-Daniel dont je ne vous ai même pas parlé, mais qui sont absolument terribles. Et eux, ils étaient incapables, bien sûr, c'est normal. Alors, c'est là où Jean-Daniel leur a proposé de faire en ces 6 mois une plateforme collaborative. Et cette plateforme collaborative était une idée qu'il avait dans la tête depuis déjà de plusieurs années, en me regardant travailler. Voilà. Je suis un peu sa muse. Hein. Il par moments, il y a des fois, il voudrait que je l'oublie. Et donc, cet outil a été créé par Félicien François, qui était un très très bon stagiaire de master, encadré bien sûr par Jean-Daniel à l'INRIA. Donc ça, c'était la première version. Alors, je voulais donc la synthétiser. Donc, j'utilisais IMAX, qui est super bien, mais qui a un très gros inconvénient, le lourd apprentissage, l'aspect rebutant, et ça, c'était, ils ont refusé, ce qui est normal, hein, de travailler après avec IMAX. Et ce prototype devait bien sûr servir à une seconde phase du projet, qui n'a pas encore d'ailleurs démarré. Je l'ai vu jeudi, elle était présente à la réunion, et elle m'en a parlé vite fait à la fin. C'est des problèmes de sous, hein, tout simplement. Pas chercher. Alors, cette plateforme repose sur Eclipse. Pourquoi Eclipse? Parce que Eclipse est du logiciel libre. Mon mari ne fait que du libre. Donc, c'est l'éditeur XML qui a été choisi. Pas merveilleux, mais enfin, il a le mérite d'exister libre. En plus, Eclipse peut supporter d'autres éditeurs, comme par exemple Oxygène. Je travaille pour ma part avec IMAX dans Eclipse. Hein. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'une plateforme? La plateforme, en réalité, c'est la combinaison d'Eclipse, de l'éditeur XML, et d'un plugin. Alors, je vous ai traduit. Alors, le mot plugin, il paraît qu'officiellement c'est greffon, moi j'aime pas du tout. Alors, j'appelle ça module accessoire. Enfin, moi, je dis tout le temps plugin, malheureusement. Alors, ce plugin affiche des documents en HTML, il crée et génère des index, et possède des filtres qui permettent de naviguer facilement dans les index. Voilà ce qu'est ce plugin, Millefeuille. Aujourd'hui, cette plateforme qui a connu une seconde version je ne sais plus quand, il y a peut-être un an, je ne sais plus, grâce à un autre stagiaire qui a un peu fixé certains bugs, qui a un peu stabilisé, cette plateforme a été récupérée dans le cadre d'Adonis par l'IRHT, exactement par Charles Walter. Il a été récupéré dans le cadre d'Adonis parce que le projet de Jean-Yves Fekete, qui est le créateur, a été refusé. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, Richard Walter, qui ne connaissait pas Jean-Daniel, mais par les réseaux, on sait qui est qui, a accepté de rencontrer Jean-Daniel et en fin de compte, ils collaborent, oui, une très bonne chose, collaborent ensemble. La troisième version arrive sur le site de Telma la semaine prochaine. Donc à une semaine près, on s'ennuie à télécharger quelque chose qui sera très facile la semaine prochaine. Donc surveillez le site de Telma pour ceux qui sont intéressés par cette plateforme. Et à partir du 1er avril, commence une autre phase de développement de la plateforme. Que sera ce développement? Il y a des réunions qui sont prévues dès le mois de mars avec l'IA pour travailler dessus. Là, c'est encore donc un prototype. Ce prototype a été testé en Éthiopie au mois de novembre, c'est la troisième version, en langage GEZ, pour vous dire qu'il supporte tous les langages. Aujourd'hui, hein, la première version, ce n'était pas le cas. Alors, ce qu'il faut juste savoir technologiquement parlant, c'est que quand vous arrivez sur Eclipse, il vous propose la perspective Java. Donc, il faut aller demander la perspective Millefeuille. Et que cet éditeur, Eclipse, propose une structure de documents tout à fait classique, hein, XML, il n'y a rien de particulier. L'affichage se fait sous forme d'arbre, et on peut avoir un menu contextuel exactement comme on pourrait l'avoir sur Oxygène. Hein. Alors, vous allez travailler. sur des minutes notariales. Alors, je vous ai rappelé ce qu'était une minute notariale. Donc, ce sont mes transcriptions. Et il y a également deux analyses que j'ai tirées de BVH à Tours, qui met en ligne les analyses des minutes notariales de Pierre Aquilon et de Bernard Chevalier. Et de tête, ce sont deux minutes de Pierre Aquilon. Qu'est-ce que c'est BVH, parce que... C'est Bibliothèque virtuelle des humanistes, c'est de là où je travaille à Tours. Alors voici ce qu'est une minute. Donc ça, j'ai fait la transcription pour vous, je vous rassure, vous n'avez pas à transcrire. Et voilà le document original. Alors, les lettres de rémission, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Il y a deux lettres de rémission avec. Comme ça, vous pourrez jongler sur plusieurs fichiers point de vue pour travailler sur les index. Et là, je vous ai mis la définition de Claude Gauvin. Voici une lettre de rémission. Pareil, c'est de Jehan Colledo, c'est celle que j'ai transcrite. Tout est fait, je vous rassure. Alors, deux mots maintenant des entités nommées. Je dois vous en parler parce que vous avez travaillé sur des index, des index de lieu et de personnes. Alors, bien sûr, les entités nommées, c'est beaucoup plus large, entre autres, il y a des dates qui sont très importantes, et là, on va se concentrer donc sur ces deux types. Alors, concernant les lieux, quels sont les problèmes? Problème d'orthographe, bien sûr. Problème de variante, je vous ai mis le cas de Bretagne, de Bretagne. Aux élèves secs, on dit Bretagne. Et puis également, les changements de nom de lieu. Il y a des noms de lieux qui ont changé depuis 400 ou 500 ans. Ça, c'est pareil pour toutes les époques. Pour les noms de personnes, idem, problème orthographique. Alors, je vous ai mis le classique, Lefebvre ou Lefebvre, qui s'écrivent exactement de la même façon, puisque ce sont deux gens d'âge. Et puis, le problème à l'époque de l'Ancien Régime, c'est l'identité sociale. Puisque, un exemple, la reine Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, elle est signée Marguerite, elle se dit Marguerite, mais dans les textes, c'est toujours soit la reine de Navarre, soit la haute et puissante dame, etc. Comment on connaît ça? Ça lui pose des problèmes. Alors, pour TEI, on revient à TEI, on utilise des chaînes de caractères, referring string, et qu'on peut typer. Alors, j'ai mis moi, Madame Nicole Fourneau, type person. On peut le mettre en français, moi j'ai plus l'habitude du départ d'être quand je peux, en anglais, et surtout quand ces typologies existent dans TEI. Voilà, c'est ça. Sa mère, c'est aussi une personne. Charles de Gaulle, ici, je considère que c'est l'aéroport. Mais parce que le texte me dit que c'est l'aéroport. Si j'utilise name, vous voyez que je n'ai pas repris la ligne sa mère, parce que ce n'est pas un nom. Ça peut être qu'une chaîne de caractères. On ne peut pas l'encoder avec name. Par contre, moi, je me suis encodée avec name. Donc, type person doit disparaître. Ça, c'est une erreur. Vous n'allez pas le mettre. L'élément name suffit. Mais ça correspond à cela. Charles de Gaulle, alors là, j'ai nuancé. J'ai mis que c'était un lieu, place. Et là, j'ai remis Charles de Gaulle et j'ai mis person. Ou alors, on peut mettre carrément first name. Ça, c'est nouveau, la date de la version, je crois, P4. À l'époque, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Donc, on voit l'historicité des éléments de TEI. Aujourd'hui, dans la version P5, nous avons place name, qui est un nom de lieu, je dis Paris, et géogname. Alors, géogname a changé. Entre P4 et P5 dernière version, avant c'était un nom de lieu et place name c'était plutôt la ville. Et aujourd'hui ils ont changé ça. Alors ça y est, ils changent. Quelquefois je me dis il ferait mieux de ne pas trop changer. Et donc ils ont une place name comme nom de lieu et non plus de ville. Et géogname un nom associé à un lieu géographique. Je vous ai mis l'exemple du Pont Neuf par exemple. Mont-Saint-Michel, des choses comme ça. Alors les noms de personnes, aujourd'hui, dans la version P5 actuelle, on peut, avec PersonAid, indiquer à l'intérieur de PersonAid ces autres éléments. Surname, c'est le nom de famille ou patronyme. Forname, c'est le prénom. GenName, Generation Name, c'est pour, par exemple, Pierre-Benoît, l'aîné. Le l'aîné, vous le mettriez dans cet élément. Role name, c'est le titre et l'avant-nom. Ad name, les épithètes. Name link, les particules nobiliaires. Alors, c'est pas marqué comme ça dans le TUI. Hein. Ça, c'est une application du TUI, parce que TUI est fait quelque chose de générique. Alors, je vous ai mis un exemple. Haute dame, j'aurais dû vous mettre en clair avant. Haute dame, dame Suzanne de Bourbon, dame de Rieux. Alors, haute dame, c'est un épithète d'honneur, donc j'ai même mis typologie dans un name. Dame, parce que c'est comme ça hein, à l'époque, donc deux fois dame, hein, mais c'est pas la même chose. La deuxième dame, c'est un avant-nom. Suzanne est un forename, de name link, Bourbon surname, dame, role name type titre, je l'ai mis en français, de Rieux. Et là, j'ai mis géo name, parce que c'est le nom de la terre. Encoder comme ça, ça paraît un peu fastidieux, mais si on choisit par exemple, si on choisit, c'est un choix, de traiter des titres nobiliaires, c'est très important d'avoir ce type d'encodage. Maintenant, dans ce que je vous ai préparé, je ne l'ai pas fait. Je vous ai tout mis en first name. Et ça, c'est une réflexion à mener quand on commence à faire l'encodage des noms. Pour les lieux, c'est pareil. Alors, sachez qu'il y a des études actuellement sur la reconnaissance des entités nommées. Enfin, moi, je n'y crois pas pour le moment. Sauf dans ces siècles-là, en tout cas. 19-20e, ok, pas pour nous. Quand j'ai nous, parce que je pense au projet du 17e. Alors, je vais vous faire une démonstration de ce que vous allez faire seul. Donc, je vais vous présenter la plateforme très très vite. Et après, on va travailler sur les index. Alors, là, j'en mets les lunettes. Ah ben, j'ai oublié de faire ça. Alors, vous avez vous aussi un Eclipse sur votre bureau, je suppose, que vous pouvez aussi ouvrir en même temps que moi. Il va vous demander un workspace. Normalement, il vous propose. Non ? Ah, c'est bien. Bon, d'accord. Donc, je ne vous demande rien. Vous l'avez trouvé, vous l'avez ouvert, c'est bon ? Je suis même en mille feuilles perspective déjà. Est-ce que tout le monde a de sous les yeux quelque chose comme ça ? Normalement, vous devez avoir quoi ? Vous devez pas avoir de fichier ouvert. Donc, vous devez avoir ça, à peu près. C'est bon ? C'est un peu différent, ça. À peu près. Hein ? Donc, Eclipse se présente ainsi. Vous avez un projet. Bon, j'ai appelé ça projet simple parce que, en vrai, je ne vais pas vous raconter tous les historiques. Il s'appelle un projet simple. Et ce qui vous intéresse, vous, ce sont ces fichiers, ici. Donc, de AD37, alors j'en prends toujours la cote, hein, vous avez vu des archives, jusqu'à B15. Et en dessous, ces fameux exercices dont je vous ai parlé, que je n'ai pas encodé, si certains veulent après s'exercer. À droite, vous avez donc cette partie-là qui est grisée. Est-ce que vous avez la même chose que moi ? Alors, si j'appelle un fichier, la structure va s'afficher. Alors, passez le TU header, et vous avez la structure devant vous. Et ce qui va vous intéresser, vous surtout, c'est le body. Alors, je peux cliquer dessus pour arriver directement sur le body. Et vous voyez donc tout l'encodage que j'ai fait avec les petites mains. Immédiatement, je clique sur affichage HTML. C'est ce que vous pouvez faire aussi. Et là, vous voyez un affichage HTML. Alors, il est ce qu'il vaut, pas grand chose peut-être. Il n'est pas très joli. Pour travailler, ça sera suffisant. Est-ce que ça marche chez vous ? Tout marche ? On en est là ? Alors, maintenant, je vais vous faire ma petite démonstration. Donc, vous allez bien regarder, puisque après, c'est vous qui allez le faire sur vos postes. Alors, j'ai besoin de ces deux fichiers-là. Vous commencerez peut-être par les minutes notariales, des 37, etc., qui sont courts. Et puis, vous finirez peut-être par les deux plus longs, qui sont deux lettres de rémission. Alors, je suis par exemple sur la B15. Je vais quitter la structure XML et je vais dans les index. Vous laissez de côté une adresse table pour le moment et on va aller regarder les toponymes. Si je clique sur plus, j'ai quatre noms de toponymes qui apparaissent. Bretagne, Hennebon, avec deux orthographes différents parce que c'est comme ça, et non. Je veux travailler sur mes index. Mon idée, c'est de régulariser dans un fichier externalisé pour qu'il ne pollue pas mon fichier. Il y a déjà assez de choses, vous êtes d'accord ? Si je regarde mon fichier, il y a déjà assez d'encodage, donc je ne veux pas en rajouter, je veux qu'il reste lisible. Alors, je vais passer dans l'affichage HTML, je peux le faire. Et là, je vais cliquer sur Bretagne, parce que je sais pertinemment que Bretagne, c'est Bretagne. Donc, il va tout de suite se positionner où elle est. Là, je fais clic droit. Alors, il n'y a rien, tout est vide. Mais, comme vous verrez tout à l'heure, quand c'est rempli, il vous propose autre chose. Il me demande une nouvelle référence, je réponds oui. Je clique. Et là, un fichier qui était vide tout à l'heure, qui s'appelle toponyme, s'affiche, et il a créé un identifiant. Il ne faut jamais toucher à l'identifiant. C'est la machine qui fait tout seul, même s'il ne vous plaît pas. Voilà. Donc là, Bretagne, je veux modifier, parce que ça ne me va pas. Dans ce fichier externalisé, je régularise en supprimant le « i ». Je sauve mon fichier et je reviens dans mon premier fichier que je sauve aussi. Pourquoi je le sauve ? Parce qu'il a été modifié pour… Alors, je vais vous le montrer. Si je clique sur « Bretagne », voyez, l'identifiant est apparu. Je n'ai rien fait, moi. C'est lui qui l'a fait automatiquement. Alors, je vais sauver mon fichier, et là, la couleur violette à peu près passe en bleu clair. C'est-à-dire que le mot a été régularisé. Si je fais plus, là, il m'indique qu'il y a un seul Bretagne, et il a gardé le mot original. Il n'a touché à rien. Je vais continuer comme cela. Hennebon. Alors, il me propose, là, voyez, autre proposition. Bretagne, non, j'en veux pas. Et bon, c'est dans la Bretagne, mais il me faut le bon nom. J'ai cliqué, il me propose Hennebon. Alors, de tête, Hennebon, c'est avec un T. Voilà. Je sauve et je reviens dans mon fichier d'origine. Donc, je peux. Alors, pareil que je sauve, vous avez compris, hein. Et là, le deuxième, Hennebon, qui est le bon ? Il me propose Hennebon, c'est OK, c'est bien celui-là. Voilà, il ne m'a rien modifié parce qu'il était déjà créé. Normal, je peux revenir sur mon fichier d'origine. Nantes, je fais pareil. Non, nouvelle référence, oui. Il m'a créé mon identifiant, je sauve. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ce fichier? Maintenant, je vais ouvrir, c'est du XML, hein. Je vais ouvrir les toponymes, et là, je vois que j'ai Bretagne, Edmond et Nantes. Donc ça, vous pouvez le faire sur tous les fichiers tout à l'heure. Je vais passer maintenant au nom de personnage. Alors là, il y en a beaucoup plus, c'est le même système. Alors, pour vous montrer jusqu'où on peut aller, je vais m'occuper de lui. Lui, c'est qui? C'est le roi. C'est Louis XII. Alors, bien sûr, ça s'écrit comme ça. C'est pas terrible, je vais régulariser. Donc, nouvelle référence, il m'a créé Louis, loi, mais bien sûr, je rectifie, je viens d'être le trop. Voilà, je sauve. Je vais aller maintenant, alors je sauve mon premier fichier, je vais aller dans mon deuxième fichier. Parce que bien sûr, vous avez compris quelque chose, hein, c'est évident. Alors, personne. Ah, j'ai encore Louis, c'est toujours mon Louis XII. Donc, je vais le régulariser. Il me propose Louis XII, impeccable. Il ne me crée rien puisqu'il était déjà créé. Je reviens sur mon fichier, je le sauve. Mais si je reste sur mon fichier personne, donc vous avez vu, il y a un fichier toponyme, il y a un fichier personne. Si je reste sur mon fichier personne, que je clique dessus, je vois que j'ai un Louis XII, mais avec un petit 2. Tout à l'heure, c'était 1, rappelez-vous. Pourquoi? Parce que j'ai deux fichiers. Alors, imaginez ça quand vous avez, comme moi j'avais, 1000 fichiers. Je ne l'avais pas, moi, à l'époque. Hein. Je suis passée par des travers hein, avec Sigmund et tout. Je n'en parle même pas. Donc, moi, si j'avais eu ça à l'époque, ça aurait été mais génial. Alors qu'il fallait que je fasse par des programmes informatiques un peu lourds. Et là, aujourd'hui, c'est très simple. Quand vous avez une quantité de fichiers importante, de travailler comme ça sur les noms et de les régulariser. Alors, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, je peux demander de filtrer par fichier. Je peux demander de l'afficher au format HTML. Alors bien sûr, là, il n'y a pas grand-chose, mais bon, imaginez, pareil, si vous aviez X fichiers et noms régularisés, là, il vous donne le nom, pour, le nom des fichiers. Ça, c'est un petit plus sympa. Vous pouvez filtrer, c'est-à-dire que je peux mettre dedans... Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Je filtre. Ah oui, oui, je filtre. Oui, bien sûr, il y avait celui-là. Mais normalement, oui, donc mon exemple n'est pas terrible. Si il y en avait plusieurs, oui, on va le faire sur les toponymes. Tiens. Voilà. Par exemple, si je mets Bretagne, voilà, il me propose Bretagne, parce qu'à l'intérieur, il y a Bretagne. Donc pour travailler dans les différents fichiers en filtrant et pour pouvoir naviguer, c'est une très bonne chose. Alors je vais revenir sur mes noms. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment vous positionner sur le fichier avec le nom régularisé. Alors c'est pareil, si vous avez 1000 fichiers, c'est quand même intéressant d'aller directement sur le nom. Donc voilà ce que je vous propose. Vous pouvez donc régulariser tous les fichiers. Je vais vous faire une petite synthèse quand même de ce que je viens de vous montrer parce que ça paraît simple, mais peut-être que c'est mieux de faire une petite synthèse. Alors, les index sont de plusieurs couleurs. Bleu foncé, c'est dans le fichier ouvert, non régularisé. Bleu clair, c'est quand les occurrences sont régularisées dans le fichier externe. Sachez que TEI prévoit une régularisation dans le fichier même. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, hein, mais, pas, hein. Mais on a trouvé que c'était une meilleure méthode. Alors, Lou Bernard, je n'aime pas trop ça. Ça va contourner la TEI. Les index sont triés alphabétiquement par défaut. Externaliser signifie copier une information d'un fichier particulier dans un fichier commun à un projet. C'est-à-dire que vous avez plusieurs projets, vous pouvez l'avoir dans le même espace de travail et vous aurez des index différents. Ça n'y a aucun souci. Et seul l'enrichissement commun des données est externalisé, votre texte reste intact. Oui, bon, je m'arrête là dans les explications. je ne vous ai pas montré, mais on peut supprimer, bien sûr, donc régularisation. Donc on fait un clic droit et on sélectionne supprimer la référence. Si on le fait dans le fichier particulier, bien sûr, il n'y a que ce fichier-là qui est concerné. Hein. On peut externaliser plusieurs occurrences, mais je ne le recommande pas. On peut, parce qu'il faut savoir, si vous avez, je ne sais pas moi, 1000 paris, vous pouvez très bien avoir un pari qui est le pari de 3. Hein, donc, le pari, c'est de l'entité. Donc attention quand même. Hein. Si plusieurs occurrences concernent la même référence, on ne peut pas montrer, on sélectionne l'occurrence de référence avec les autres pour que ça fonctionne. Alors, la règle générale, la couleur verte indique un fichier particulier suivi du nombre d'occurrences, ça je vous l'ai montré, d'une même référence que l'on peut y trouver. La suppression d'une référence entraîne aussi la suppression dans les fichiers particuliers. Ça, donc, dans ce sens-là, ça marche. On supprime dans le fichier général, c'est supprimé également dans les fichiers particuliers. Et là, c'est une couleur rouge qui attire l'œil. Alors, je vous l'ai dit, ne pas toucher l'identifiant. Les liens en gras, attention. On peut afficher donc au format HTML et il y a des filtres. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et donc, Denise Ogilvy, qui a participé beaucoup à l'élaboration de la plateforme avec moi et Émilien François, continue bien sûr à travailler sur cette plateforme, entre autres avec Anaïs Lyon de l'IRHT, donc qui l'utilise pour le GAIS. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous. Je vous laisse jouer avec les index. Et donc, vous pouvez soit rester sur le fichier encodé, soit vous mettez l'affichage HTML, hein, c'est comme vous voulez. C'est super. Je voulais juste dire, il y a des endroits où ils travaillent davantage avec Oxygène. Ils travaillent sur Oxygène, mais j'ai discuté avec certaines personnes proposées qui font leur code de théorie sur Oxygène et qui basculent sur Millefeuille pour fabriquer les index. Parce qu'il n'y a aucun problème. Quoi. Non, il n'y a aucun problème. Certains peuvent dire, une feuille pour l'encodage, c'est peut-être pas. Bon, c'est des formes de chapelle, quoi. Moi, je travaille sur IMAX, simplement je rafraîchis mon fichier. C'est tout. Donc, je fais clic droit, refresh, et c'est bon. Et aussi, c'est pareil. Ouais. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, les futurs développements, moi je ne les connais pas, hein, parce que ça va être des réunions avec des scientifiques, des informaticiens. Il y a de la demande, hein, déjà sur le petit groupe qui travaille avec une feuille, donc les RHT, les Archives nationales, Paris 1. Voilà. Alors, si je comprends bien, le but de l'exercice, c'est de normaliser. De jouer avec les index. Mais vous pouvez aussi encoder, si vous voulez, par exemple, le fichier qui n'est pas encodé, qui s'appelle l'exercice, etc. Bon, sur les index, pour l'instant, vous normalisez les entrées, c'est ça? Oui. Donc, il y a vous avez fait un exemple sur Montaigne. Oui. Mais quelles sont les autres entrées qu'il faudrait normaliser, du coup? Ben, toute la liste, quand vous cliquez sur personne ou sur toponyme, vous avez toute la liste qui n'est pas régularisée. Alors, par exemple, Venn, c'est Van, par exemple. En Bretagne, c'était simple. Non, mais d'autres que vous devez quand même régulariser, même s'il est bon. Par exemple, Nantes est bien écrit, mais vous devez quand même le régulariser pour qu'il intègre l'index général. D'accord. Est-ce que c'est un peu chaud si je vous demandais de refaire la démonstration, parce que je suis bien le Alors, il y a quand même deux Z parmi vous. Il y a quand même deux Z parmi vous, n'est-ce pas? Il y a Valérie, Valérie et Cécile, là, que j'ai formé l'année dernière. Mais comment on ne l'a pas utilisé? Non, mais là, que ça revient là. Bon, en fait, il y a un premier truc. Moi, sur Nantes, j'arrive sur Nantes. Ouais. Mais ce qui est troublant, c'est que quand je crée une nouvelle référence pour Nantes, j'ai trois fois Nantes affichée comme occurrence textuelle. Donc je crée une référence avec le bouton droit Nantes pour dire que c'est la référence normée. C'est ça comment l'entité nommée. Et après, il m'envoie sur le fichier toponyme.xml. Et je ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, ça a écrit dans toponyme.xml. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est bizarre. Et surtout, c'est parce que. Alors, ce que je ne vous ai pas dit quand même. S'y attend pas, quoi. Oui, il y a. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, vous voyez, moi, j'ai changé en toponyme Bretagne en Bretagne. Ngon, je lui ai donné la bonne orthographe. Mais ce qui est et c'était prévu initialement, c'est qu'ici, on puisse faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, c'est un fichier TEI. Donc, je peux envisager, je l'ai fait moi déjà, je peux envisager une division ici à Peabody, où je pourrais faire de la prosopographie, reprendre mon Louis XII, par exemple, de tout à l'heure, même Bretagne, et dire ce qu'est le budget de Bretagne à l'époque, etc., etc. Et après, c'est exporté, comme c'est du XML, c'est exporté. Mais on n'a pas touché au texte. Vous voyez, le texte reste brut, si on peut dire, il est quand même encodé, mais il n'y a pas de métadonnées dedans. D'accord. Je peux refaire Bretagne, et je voudrais faire Bretagne en même temps que vous, comme ça je peux. Voilà, moi aussi. Donc, vous pouvez aller lentement, me dire quel fichier ouvrir, etc. Alors, on prend le premier, là? Enfin, moi, je n'ai rien fait, en fait. Vous n'avez rien fait. Ouais. Alors, on va prendre le premier. Dans le premier, il y a quoi? Il y a Tour. C'est simple, Tour. Alors, le AD37-3E14. Voilà. Alors, vous avez trois tours. Hein? Alors, vous cliquez sur le premier avec le clic droit. D'ailleurs, il vous positionne, hein, alors, si vous avez un doute. Donc, en affichage HTML, non? Oui, pour commencer, c'est mieux. D'accord. Donc, vous avez cliqué droit dessus. Il vous propose nouvelle référence, autre proposition. Oui, parce que vous n'avez pas encore parlé. Excusez-moi. Moi, j'ai déjà montré les choses. Nouvelle référence. Donc, vous cliquez sur nouvelle référence. Et là, il vous envoie sur toponyme. Point XML. Il ouvre tout seul. Il ne veut pas. Oui, j'arrive. Alors moi, c'est sur l'autre en ligne, je suis sur la ligne. Je fais un clic dans le fichier. Non, sur le... dans l'index. Il a créé Tour. Alors il faut le sauver. D'accord. C'est génial, ça s'en est sur. Et si vous cliquez sur toponyme. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, il pas. Moi, j'ai tout, c'est pas. Ah oui, il y a la référence du fichier, d'accord, je crois. Ah, c'est bien ça. Moi, je l'ai pas. Facile d'appeler. Ben alors. Pourquoi je l'ai pas? Ah, mais si je l'ai pas sauvé, peut-être. C'est toujours avec ça. Donc la normalisation elle intervient dans toponyme.xml, c'est ça? Ouais, mais après quand même dans l'original il ajoute une référence qui permet d'identifier par rapport à la forme écrite l'autorité qui correspond. Donc ça a été réfléchi hein, par IDHE, l'École nationale des chartes, les architectes. Pour le projet Millefeuille. Mais tout a été prévu pour que ça soit générique et que chacun en fasse un peu ce qu'il veut. Donc il y a de la visualisation qui est prévue, code informatique, on peut visualiser les choses. Et puis il faut imaginer les structures que je voudrais, arbre généalogique, réseau, directement, pas des parties, etc. C'est régularisé dans un fichier externalisé pour que ça ne soit pas dans le texte et qu'on le laisse brut. Et après, on peut faire beaucoup de choses après. C'est que le début de la chaîne. Bah justement, il a prévu le code informatique, a déjà prévu de la visualisation. Alors qu'est-ce qu'il a prévu? Des réseaux sociaux, des généalogies, des choses basiques. Mais ça, il faut maintenant les développer, toutes les fameuses réunions. Et puis, comme ça a déjà servi à certains chercheurs, il y a déjà des demandes qui sont arrivées. Moi, je ne connais pas. Tout ça sont des choses qui n'existent pas dans Oxygène. Ah non, non, non. Rien n'existe. Il n'y a aucun produit qui fait ça. D'accord. Même payant. Non, c'est bon. Est-ce que vous, Bernard, avez l'air de préconiser Oxygène? Oui, alors je sais que... Oui, non, il fait très bien Oxygène. Et cette façon, vous mettez oxygène, feuille sur oxygène, et après vous rafraîchissez votre écran ici. C'est ce que je fais tout le temps. Hein. Et il y a assez d'un à l'autre. Alors, bah, oui, complètement. Ici, moi, quand je travaille ici, c'est pour les jeunes. Et aussi la challenge, je reconnais, que j'aime bien. Mais vous l'avez très bien avec oxygène aussi. Mais comme je travaille avec IMAX, bon, après chacun a son environnement, sa petite maison, hein, là où il sent bien. Mais oxygène, non, ne fait pas ça. Lui, ce qu'il. Lou, lui, préconise plutôt de rester, de faire que du TEI et de rester en TEI. Alors, il y a l'attribut REG, mais j'ai travaillé comme ça. Et ça m'a provoqué plein de problèmes. Alors, j'ai un index, vous pourrez regarder sur mon site, j'ai un index important. J'ai passé mais des semaines sur ces index, mais des semaines. C'était l'horreur. Alors que si j'avais eu ça, mais j'aurais gagné des semaines de travail. Oui. Donc c'est faisable en TEI, mais pour cette cause, c'est pas très pratique. Et deuxièmement, ça vous brouille votre texte. Il y a déjà assez de codage, hein, voyez. Donc des règles, en plus moi avec mes noms, la haute et puissante dame, dame Suzanne de Bourbon, dame de Rieux, comment je régularise ça dans mon texte? Vous imaginez un peu? C'est l'horreur absolue. Hein. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai fait parce que ça n'existait pas. C'est arrivé, je dis, après ma tête. D'accord, par exemple, ce qu'on voit dans votre texte, c'est le code codage qui est très fin. Il y a beaucoup de choses qui sont blanches. Ah non, là, il n'y a pas sur rien. Bon, moi, j'arrive à lire, mon cerveau arrive à lire quand il y a beaucoup de codage. Bon. D'après mon mari, c'est pas évident. Et il ne faut pas que j'en fasse une généralité. Mais je fais beaucoup d'analyse moi, dans le texte. Donc là, vous n'avez aucune analyse. Vous avez vraiment basage sémantique basique. Hein, vous avez abrégation. Je l'ai fait pour vous. Hein, donc abrégation, first name. Bon, vous avez bien sûr les lignes. Hein, bon, la partie gauche là, est un peu. Le LB là, a un peu disparu, mais je peux vous le remettre. Non, non, il n'y a rien. Hein. Si vous voulez bien, voilà. Non, il ne veut pas. Hein. Bon, ça ne fait rien. Et donc, il y a une clim ici. Non, non, c'est vraiment le basique. Alors, dans un fichier, il y a une occurrence de nom qui n'est pas entonnée. Donc, il n'y a pas d'Aisnel plutôt. Ouais, vous pouvez le faire. Alors voilà, comment je peux faire le basique. Alors bon, alors après, c'est l'éditeur Eclipse hein, qui n'est pas terrible. Ouais. Vous pouvez ouvrir chez vous et là, il va vous proposer. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais simplement, comme s'il ne sait pas faire Eclipse, l'oxygène le fait très bien, bien sûr, c'est sélectionner un mot et qu'il vous l'empile. Là, il va vous mettre la balise devant, ouverte et fermée. Donc, il faut que vous mettiez le mot à encoder dedans. Bon, ça, c'est Eclipse. Alors c'est toujours quand même un petit prototype. Il reste des bugs, alors surtout dans la seconde version. La troisième version sera beaucoup mieux. Mais dans cette seconde version, là, comme essayé le japonais, qui fonctionnait très bien. Oui, bah oui. Le grec fonctionne très bien. Ah, c'était ma question. Oui. Une méthode grecque polytonique super bien supportée, même un oméga avec esprit rude, impatient. Oui, parce qu'à l'attention, ils font du grec. Pourquoi ils font du grec, excusez-moi. Il y a dans beaucoup de livres, il y a du grec. Et donc, on a l'occasion de ne pas penser à un exemple en grec. Mais si, ça marche pas très, très bien. Le japonais, donc le gaze fonctionne très bien à la troisième version. Ils ont eu des soucis avec l'identifiant, ça je le sais. Sur l'ordinateur, pour créer un identifiant par du gaze, l'ordinateur, il n'a pas eu. Mais on comprend. On comprend la machine. C'est très humain. En fin de compte, oui. C'est comme, ce sont quand même des humains qui fabriquent ces machines. Il faut quand même penser. Alors, pour télécharger la plateforme, donc, ça sera sur le site de Thelma. Normalement, courant la semaine prochaine, ma première est à Walter. Ah, ce serait merveilleux, parce que franchement, moi, je voulais tester sur le nom. Parce qu'aujourd'hui, pour télécharger, c'est pas évident, n'est-ce pas, Cécile? Et Normalement, il doit être au bout là-bas, il est parvenu.